Personne n'est parfait. Partie 1. Suis-moi. Chapitre 1. C'était il y a longtemps. Il pleuvait. Je n'avais pas le temps. Je ne t'ai même pas regardé. J'avais une conférence rue Wirtz. Ce jour-là, je n'avais pas envie de penser à toi. Pas envie de te voir. J'étais concentrée sur mon boulot. J'avais relu mille fois cette présentation pendant le trajet qui me traînait depuis Paris. Je n'étais pas sûre de moi. Pourtant, je devais l'être. Je devais convaincre l'assemblée qui se tiendrait devant moi. Je devais les réveiller. Je devais leur donner ce sursaut qui leur donnerait à nouveau envie d'avancer dans la bonne direction. J'allais péniblement dans les ruelles sous les nuages sombres. Mes yeux s'efforçaient de ne pas pleurer, mais je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé. Ce grondement sourd de l'orage qui s'apprête à éclater, ces cris comme un déchirement. Cette porte qui claque pour de bon. Avant d'entrer, j'aperçois quelques instants mon reflet à l'entrée du bâtiment. Il me renvoie à ce que je suis, à toutes ces questions. Est-ce que j'aurais dû me taire? Est-ce que j'aurais dû attendre? Est-ce que ça l'aurait moins fait souffrir? Je me sens maladroite, comme si j'avais fait les choses de travers, comme si je voulais revenir en arrière et changer le cours du temps. Impossible. Il y a cette succession d'événements, ce malaise qui s'ensuit, ces mots qui n'étaient peut-être pas ceux qu'ils auraient dû être. J'ai cette boule au ventre, mais je ne sais plus si ça vient de la rage de l'avoir perdue ou le stress de devoir m'exprimer en public. J'arrive dans la salle. Elle a une capacité de 300 personnes, mais elle est occupée seulement aux deux tiers. Les regards me terrorisent. Le jugement à venir me fige dans une sorte d'état second. Je dois me servir de ce trac comme d'une force qui va me galvaniser. Je suis là pour une bonne raison et je dois le prouver. Je ne dois pas tout foutre en l'air à cause de mes états d'âme à la con. J'ai travaillé trop dur pour ça. Je sors quelques instants de ma torpeur au moment où la foule applaudit. Certains se lèvent, mon discours a fait mouche. J'en suis étonnée moi-même. Je reviens m'asseoir à ma place et j'écoute à mon tour les autres orateurs. Je suis là et je suis ailleurs, comme déconnectée de la réalité. Je fais les gestes d'une façon mécanique qui ne me ressemble pas. Je réponds aux questions de manière laconique, sans y réfléchir vraiment, comme si les mots venaient tout seuls, plus profond de moi. Mon corps tient le coup, tandis que ma tête commence à flancher. Mes oreilles bourdonnent, une douleur terrible me prend au temple. Il est 17h et le train va me ramener à mon point de départ. Un rayon de soleil me narque. Le paysage défile, la nuit étant tranquillement son manteau sur la plaine. Je ne t'ai pas vu passer. Je regrette. Et c'est seulement en rentrant chez moi quelques heures plus tard que je m'effondre. J'ai juste envie de tout reprendre à zéro, de retourner là-bas, avec lui, à Bruxelles. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive.